à tous, vous écoutez Radioactive, merci de nous rejoindre pour un nouveau mag. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'association Fibromyalgie Agir Ensemble, une organisation créée il y a 10 ans pour accueillir et accompagner les patients atteints par cette pathologie encore mal connue. En effet, ce 12 mai marquait la journée mondiale de la fibromyalgie, l'occasion de partager avec vous notre rencontre avec Isabelle Roll, secrétaire, et Isabelle Jacquet, trésorière de l'association Fibromyalgie Agir Ensemble lors de la journée sport santé bien-être organisée par l'équipe du contrat local de santé du Pays Loire-Touraine. On écoute. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée d'Isabelle Roll, secrétaire de l'association Fibromyalgie Agir Ensemble, et Isabelle Jacquet qui est trésorière de l'association. Bonjour à toutes les deux. Alors on va commencer par évidemment la question initiale, à savoir qu'est-ce que la fibromyalgie, et je vous invite à parler bien près du micro qu'on vous entende le mieux possible. Merci beaucoup Marlène. Je reprends ma sémantique, fibra qui veut dire fibre, et myo qui veut dire muscle, et algos, la douleur. Donc en 1904, une première description a été faite de cette maladie, décrivant un état douloureux musculo-squelettique diffus et chronique. Donc ensuite, la fibromyalgie a pris plusieurs termes, elle s'est appelée fibrosite, ensuite syndrome polyalgique idiopathique, enfin bon bref. Maintenant, ça s'appelle la fibromyalgie. Une femme exceptionnelle est à l'origine de la connaissance de la fibromyalgie. Je pense que certains doivent la connaître puisqu'elle s'appelle Florence Nightingale. Elle est née en 1820 en Grande-Bretagne et elle est à l'origine de la création de la Croix-Rouge internationale. C'est une infirmière qui a contracté une forme très grave de la maladie. Elle a dû rester alitée pendant 50 ans. Elle représente tellement un symbole fort pour nous, les fibromyalgiques, que sa date de naissance, le 12 mai, est devenue notre date annuelle, puisque tous les ans, le 12 mai, dans le monde entier, on célèbre, façon de parler, la fibromyalgie. Pour reprendre une définition plus contemporaine, le docteur Laroche de l'hôpital Saint-Antoine de Paris décrit la fibromyalgie comme un ensemble de symptômes douloureux qui touchent l'appareil locomoteur de façon diffuse, persistante depuis plus de 3 mois et qui devient chronique sans aucune lésion organique détectée. Donc c'est un défaut du système de contrôle de la douleur. Donc comme vous pouvez le supposer, eh bien, les fibromyalgiques souffrent de partout et tout le temps. Les causes de la fibromyalgie restent malgré tout très floues et le déclenchement en est très personnel. Ça peut être un événement physique, un événement psychique, biologique, qui peut déclencher l'apparition des premiers symptômes. Et puis on peut effectivement parfois vite tomber dans la déprime parce que c'est compliqué d'avancer en ayant mal tout le temps, partout et en étant très fatigué. Et donc, le mieux, bien, c'est de pouvoir vivre avec le mieux possible. La fibromyalgie a été déterminée comme une maladie depuis 1992 par l'Organisation mondiale de la santé. En France, bien, ça a été un petit peu plus tardif puisque l'Académie de médecine a fait de même en 2007, le Conseil de l'Europe en 2008 et la Haute Autorité de Santé en 2010 et ensuite enfin l'assurance maladie en 2017. En France, il y a 1,6% de la population qui est touchée, mais parfois très mal ou pas du tout diagnostiqué. En Occident, normalement, ils atteignent des chiffres de 2 à 5%, mais en France, ça fait quand même plus d'1 100 000 personnes qui sont atteintes de cette pathologie. Sans qu'on sache pourquoi, sur 10 malades, 8 à 9 sont des femmes. Et en général, les premiers symptômes apparaissent entre 30 et 55 ans, sans qu'il y ait d'explication particulière. Mais des personnes âgées sont aussi touchées, ainsi que des enfants et des adolescents. Très bien, merci pour cette explication. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant des symptômes de la maladie ? Je tends du coup le micro à Isabelle. Oui, les symptômes de la douleur, vous avez tous eu une douleur particulière, on se brûle, on se fait mal. La douleur, elle donne l'information qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Pour nous, les fibromyalgiques, cette douleur, elle n'exprime pas forcément quelque chose qui ne fonctionne pas, pas du tout. C'est une mauvaise information qui est donnée au système nerveux central, mais de manière désordonnée, très intense et surtout en continu. Cette fausse alarme, c'est un dérèglement de notre système de sensibilité et qui peut être amplifié par différents facteurs. Alors, on note un certain nombre de troncs communs pour les symptômes en fonction des différents malades. La douleur, déjà avec un grand D, la fatigue aussi avec un grand F, ça peut être des picotements, des décharges électriques, des brûlures, tant au niveau des muscles que de la peau, des tendinites chroniques, alors la perte de mémoire, les difficultés de concentration, le brouillard cérébral, la fatigue chronique. Après, chez les malades, on note aussi différents troubles digestifs, des migraines, des névralgies, le syndrome des jambes sans repos, de l'hypersensibilité, alors au froid, au chaud, au bruit, au toucher aussi, et une réaction par rapport à certains traitements. Alors là, la douleur, elle parcourt tout notre corps, nos membres, notre tête, et elle laisse surtout très peu de répit, c'est épuisant. Ça affecte nos tâches et nos activités habituelles. Alors, ça peut être les activités familiales. S'occuper des enfants, vous savez que ça demande de l'énergie. Ben, l'énergie, on n'en a pas. Les tâches domestiques, demandez-nous d'étendre le linge à hauteur, c'est compliqué. C'est aussi toutes les tâches de tous les jours. Professionnellement, c'est compliqué aussi parce que les postes de travail ne correspondent pas forcément aux personnes malades. Donc, on peut être licencié pour inaptitude. Et cette situation est parfois difficile à vivre. Donc, en fait, il y a un avant et un après la fibromyalgie. Il faut s'habituer et surtout s'organiser différemment. Malheureusement, on peut se trouver confronté aussi à l'incompréhension des gens qui nous entourent, que ce soit familial, amical, professionnel. Ça rajoute un poids aussi parce que cette maladie, elle est invisible, mais pourtant elle est invalidante. Là où c'est encore plus compliqué, c'est de se trouver face au scepticisme de certains médecins. Malheureusement, certains sont encore capables de dire « Allez, bougez-vous, c'est dans votre tête. Hein. » Ça, c'est dramatique pour les malades. Alors, contrairement à d'autres pathologies, on n'est pas éligible à un protocole type et au parcours réel du patient. Au niveau médicamenteux, il n'y a pas de traitement miracle. Donc, on va piocher un petit peu dans les traitements qui sont ouverts à d'autres pathologies. Donc, ça peut être des antidépresseurs, mais prescrits comme antalgiques, à des posologies très adaptées, des opioïdes. Mais l'INSERM, notamment dans son rapport d'expertise en 2022, a fait part du bienfait de l'activité physique adaptée. Très bien. Alors, c'est vrai que c'est une maladie, du coup, comme vous le disiez, qu'on peut confondre avec d'autres symptômes. J'entendais une dame tout à l'heure dire « moi, je fais de la polyarthrite ». Ça fait partie des effets de cette maladie. Enfin, comment on peut diagnostiquer, finalement, la fibromyalgie par rapport à d'autres symptômes ? Bien, la fibromyalgie, effectivement, même si elle a parfois des symptômes communs à d'autres maladies rhumatologiques ou neurologiques, la différence avec ces autres maladies qui ont des marqueurs biologiques, la fibromyalgie, vous n'en avez aucun. C'est-à-dire que vous pouvez faire des analyses de sang, des électromyogrammes, vous pouvez faire des IRM, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il n'y aura jamais aucun marqueur visible. C'est pour ça que le diagnostic de la fibromyalgie est souvent très long, parce qu'on est obligé de passer par toute une batterie d'examens et on en arrive à un point d'élimination. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le rhumatologue ou le neurologue va prononcer le terme fibromyalgie à partir du moment où, par élimination, il a éliminé toutes les autres maladies. Mais par contre, parfois, on peut aussi être porteur d'une maladie chronique telle qu'une spondylarthrite, une polyarthrite rhumatoïde, etc. Et en parallèle, avoir aussi une fibromyalgie. C'est possible. J'imagine que le diagnostic peut mettre des années, alors ? Alors, actuellement, c'est beaucoup plus court parce que nous avons dans l'association nos plus anciennes adhérentes qui ont pu rester entre 10 et 20 ans sans diagnostic. Là, actuellement, les jeunes générations de malades ont la chance de pouvoir être diagnostiquées au minimum en 2 ans. 2 ans quand même. Alors, quels sont les bienfaits de l'activité physique lorsqu'on souffre de fibromyalgie ? Bien, dans notre pathologie, il est vraiment primordial de conserver beaucoup de souplesse et d'amplitude dans nos mouvements et de mobiliser tous nos muscles et nos articulations en douceur, mais surtout sans risque. Il est indispensable de pratiquer une activité physique adaptée en aérobie et surtout sans contact et sans impact. La marche, le vélo, la gym douce, ça marche bien, l'aquagym. Il y a aussi tout ce qui est qigong, tai chi, le yoga aussi, mais sous certaines formes. forme. La gymnastique somatique, elle s'inscrit vraiment parfaitement dans ce contexte aussi parce qu'elle peut libérer des tensions émotionnelles. Et donc, le bienfait de l'eau en aquagym aussi a aussi ses mêmes vertus. Donc, surtout, on ne doit pas subir d'impact ou de choc parce que là, les conséquences pour nous peuvent être terribles. Ça nous permet aussi une meilleure gestion des tensions et du stress. Et puis, avec ça, on peut compléter par la méditation en pleine conscience, la relaxation, la sophrologie, qui sont aussi des bons outils, parce que comme notre maladie est une maladie du système nerveux central, le stress a aussi un impact très important sur les douleurs. Il génère des douleurs et des tensions qui, pour nous, sont insupportables. Mais surtout, je conseille toujours aux adhérents qui nous rencontrent et qui souhaitent se renseigner sur l'activité physique adaptée, c'est de choisir une activité qui correspond à leur goût, parce que si on n'aime pas ce qu'on fait, ben on ne le fait pas. Donc il faut vraiment choisir une activité qui correspond à ses propres goûts. Donc si on n'aime pas l'eau, ben l'aquagym, on oublie. Et puis ben, si on n'aime pas le vélo, on fait de la marche, quoi. Hein, c'est quand même plus intelligent et plus prometteur. Et puis ben, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que l'activité physique, que ce soit pour nous ou pour les gens qui la pratiquent, agit sur la production d'hormones telles que la dopamine, les endorphines, la sérotonine. Et donc toutes ces molécules, donc molécules du plaisir, anti-stress et renforcement du système immunitaire, hormones du bien-être, agissent comme des médicaments naturels. Et donc ils ont vocation à être antidépresseurs, anxiolytiques, somnifères et antalgiques à la fois. Et pour nous, bah, c'est exactement ce qu'il nous faut. Et puis en plus, bah, chaque séance qu'on pratique, ça permet aussi aux malades fibromyalgiques de sortir de leur isolement et de pouvoir rencontrer d'autres personnes et du coup d'avoir des échanges sociaux qu'ils n'ont plus forcément par l'isolement de la maladie. Très bien, donc on comprend que pour ne pas être isolé face à cette maladie, il y avait besoin d'une association qui réunisse toutes ces personnes touchées. C'est là qu'intervient l'association Fibromyalgie Agir Ensemble. Vous nous en parlez, Isabelle ? Oui, oui, on a bien vu l'importance du fait de se retrouver, de pouvoir échanger entre malades, mais surtout entre guillemets novices et des personnes qui ont un petit peu de recul sur la maladie. C'est pourquoi Laurence Lance et Maladie Gouriant, il y a 10 ans, donc en 2014, ont créé l'association Fibromyalgie Agir Ensemble pour sortir un peu les malades de leur isolement et ont mis en place des groupes de discussion. Aujourd'hui, on compte 75 adhérents, mais ce qu'on remarque, c'est que depuis quelques années, on a une progression annuelle de 20%. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de personnes fibromyalgiques, ou tous les cas qui sont diagnostiquées. Donc, dans notre association, on est tous fibromyalgiques. On organise donc chaque mois à l'espace Jacques Chirac à Saint-Cyr des groupes de discussion. Ces groupes de discussion, c'est le lundi après-midi, pendant 3 heures. Chacun arrive et repart quand il le souhaite. Mais on reçoit des personnes qui sont diagnostiquées ou pas, des personnes qui viennent quelquefois avec les conjoints ou même les enfants pour pouvoir effectivement faire connaître la maladie à ceux qui entourent, parce que ça, c'est important. Les échanges, ça permet aussi de dédiaboliser peut-être le mot de fibromyalgie pour des personnes qui viennent d'être diagnostiquées. Malheureusement, les anciennes, comme disait Isabelle tout à l'heure, ont un peu d'expérience et on s'aperçoit que de toute façon, on vit toutes et tous la même chose. Donc c'est quelquefois assez réconfortant de s'apercevoir qu'on n'est pas seul, qu'on peut s'exprimer aussi sur ses inquiétudes et se faire réconforter par les échanges qu'il peut y avoir. On sait très bien qu'une fois le diagnostic posé, ce qui est important, c'est l'acceptation de la maladie. Et la plupart des personnes que l'on voit arriver les premières fois à nos groupes de discussion ont du mal à passer cette acceptation. Et j'ose espérer qu'elles repartent avec cet aspect beaucoup plus positif pour elles. On fait aussi intervenir des professionnels de santé, alors des gens qu'on connaît, qui peuvent être des médecins, mais aussi des sophrologues, des kinés, des nutritionnistes. Nous communiquons par l'intermédiaire de notre adresse mail auprès des adhérents, en leur transmettant tout ce qui passe comme études, comme informations, des petites astuces aussi du quotidien. On a développé un site internet qui s'appelle fibro-ensemble.jimdo.com. Sur ce site, on peut retrouver tout un tas d'informations et pour les adhérents et les donateurs de notre site, un espace dédié. Sur cet espace dédié, on a développé un espace zen où on a mis des exercices de sophrologie, de méditation, une bibliothèque numérique aussi et une liste de praticiens qu'on connaît et qui sont avant tout bienveillants auprès des fibromyalgies. Sur notre adresse mail, donc, on reçoit des courriels de personnes qui souhaitent des informations sur la maladie, sur les groupes et qui cherchent aussi de l'aide qu'on peut leur apporter. On accompagne les adhérents aussi au point de vue administratif et social. Comme on l'a vu tout à l'heure, malheureusement, on peut être face à un reclassement, voire un licenciement pour aptitude au travail. C'est la double peine, hein. On est à la fois malade et exclu un petit peu du système social. On a une ou deux personnes qui sont un peu spécialisées sur les démarches administratives. Alors, pour les dossiers de pension d'invalidité, pour l'assurance maladie, et aussi pour les dossiers MDPH, c'est la maison départementale des personnes handicapées, pour permettre la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés, des cartes de mobilité et inclusion et quelquefois des aides financières aussi qu'on peut obtenir. L'association Fibromyalgie Agir Ensemble, elle tient une permanence à l'espace des usagers à l'hôpital Bretonneau. Nous sommes signataires aussi auprès de l'hôpital de Chinon du programme d'éducation thérapeutique du patient au centre de la douleur. Et comme l'a dit Isabelle tout à l'heure, la journée mondiale de la fibromyalgie qui est le 12 mai, nous tenons un stand d'information en partenariat avec les centres de la douleur, donc de l'hôpital Bretonneau et de l'hôpital de Chinon, ce qui nous permet d'accueillir des patients, des parents de patients, des professionnels de santé en recherche d'informations sur la fibromyalgie, ce qui permet aussi de nous rendre un petit peu plus visibles. Je pense que le fait d'augmenter ainsi le nombre de nos adhérents, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'être un petit peu plus présent en termes de communication. Et puis, notre dernière activité, c'est de mettre en place des séances d'APA, d'activité physique adaptée, pour nos adhérents, tant en aquagym qu'en gym douce. Très bien, donc on entend bien cet aspect d'accompagnement que vous avez auprès des personnes qui sont diagnostiquées et puis de leur entourage aussi, c'est important, hein, évidemment que l'entourage puisse comprendre aussi, poser des mots sur tout ça. Est-ce qu'une personne qui se pense fibromyalgique, qui n'a pas été diagnostiquée, peut venir vous rencontrer, vous allez l'orienter vers les professionnels qui sauront l'aider? Parce que finalement, on peut se sentir malade et se dire « c'est très possible ». Que je sois atteinte de fibromyalgie, est-ce que vous pouvez les aider, ces personnes ? Oui, effectivement, c'est assez courant d'ailleurs. Parfois, avec Internet, il y a beaucoup d'informations qui circulent, même des informations médicales. Donc effectivement, parfois, les gens me disent « Oh là là, mais moi j'ai l'impression, j'ai tous les symptômes, etc. » Donc lorsque ces gens-là viennent à l'association, la première chose qu'on leur dit, c'est surtout, commencer à entamer une procédure de diagnostic, parce qu'il faut vraiment que le diagnostic soit posé pour qu'ensuite la mise en place des traitements et des activités et la prise en charge pluridisciplinaire qui est nécessaire à notre pathologie se mette en place le plus rapidement possible. Donc pour cela, on les oriente vers les centres de la douleur qui existent sur le département. Donc il existe le centre de la douleur sur l'hôpital Bretonneau, aussi comme l'évoquait tout à l'heure Isabelle sur l'hôpital de Chinon. Et par rapport au département français, nous avons un centre aussi de diagnostic et d'études de la douleur pour les enfants à l'hôpital de Clocheville. Et ça a le mérite d'être signalé parce qu'il y en a très très très peu. La douleur infantile est encore très mal prise en charge. Très bien. Alors les activités qui sont mises en place par l'association Isabelle ou Isabelle, laquelle Isabelle va nous répondre ? Alors, comme on l'a vu précédemment, l'activité physique adaptée ça joue un très grand rôle dans notre pathologie et dans le protocole de nos soins. Alors, en 2023, nous avons mis en place des séances hebdomadaires d'aquagym adaptées pour nos adhérents. Elles sont animées par un maître nageur qui est sensibilisé à notre pathologie. Et donc, ces séances sont mises en place donc tous les jeudis. On se retrouve à un petit groupe, on est à peu près 15 personnes et ça dure 45 minutes. Et puis comme on était bien parti et que finalement les adhérentes adoraient et commençaient à apprécier les effets de l'activité physique adaptée dans l'eau, en janvier, on a continué sur notre lancée et nous avons mis en place des séances de gym douce adapté toujours à notre pathologie. Donc depuis janvier 2024, tous les mardis, nous nous retrouvons aussi pour faire de la gym, yoga, et puis aussi de la relaxation qui est très importante. Donc à ce jour, on compte 16 adhérents qui sont inscrits en aquagym. Il y en a 8 qui sont inscrits à la gym douce, et parmi ces 8, il y en a 7 qui sont inscrits aux deux activités. Depuis l'année dernière, on a mis aussi en place une aide financière pour nos adhérents qui pratiquent de l'activité physique, aussi bien chez notre partenaire, les Océades de Saint-Cyr, mais aussi pour tous les autres adhérents qui pratiqueraient un autre sport ou une autre activité. Nous intervenons aussi financièrement pour suppléer à ces frais supplémentaires. Et oui, comme vous me l'expliquiez juste avant cette table ronde, les personnes qui sont diagnostiquées, bien souvent, sont en maladie. Donc, forcément, avec des ressources qui s'amoindrissent, en invalidité, excusez-moi, c'est vrai. Et c'est vrai que même l'allocation pour adultes handicapés, ça reste des ressources qui sont quand même très modestes. Donc, c'est bien de pouvoir effectivement aider sur l'aspect financier. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour mettre en place ces activités? Parce qu'on imagine que ce n'est pas évident. Oui, malheureusement, les difficultés sont très importantes. On a essayé pendant plusieurs années de mettre en place ces activités physiques adaptées. Alors, il n'était pas possible de rejoindre des groupes existants parce que, d'abord, on est trop nombreuses et puis notre pathologie ne nous permet pas de tout faire. Donc, il fallait vraiment que ce soit des cours adaptés et, dans un certain sens, uniques pour la fibromyalgie. On s'est heurté à une vraie problématique, c'est le lieu d'accueil. On n'a pas trouvé de salle. Donc, on a pris notre courage à deux mains. On est allé voir un prestataire privé qui s'appelle Les Océanes, qui, de manière très bienveillante, a mis en place... Donc, alors nous, on l'appelle l'aquafibro, hein, parce que c'est notre cours d'aquagym spécialisé pour la fibro, et notre gym fibro depuis cette année. Et là, on a vraiment deux intervenants à la fois bienveillants et qui ont recherché de leur côté comment adapter ce cours à notre pathologie. Donc, ça a été une vraie avancée pour nous. Quelles sont les attentes de votre association concernant l'activité physique adaptée, concernant sa prise en charge? Oui, je pense que vous vous en doutez un peu. Nous, la difficulté, comme disait Isabelle, que nous avons rencontrée, c'est l'accès aux salles, l'accès aux piscines pour des créneaux définis. Donc, on souhaite vraiment un meilleur accès aux activités physiques adaptées pour les maladies invalidantes comme la nôtre, plus de centres et de lieux d'accueil, et surtout avec du personnel et des intervenants formés. Et puis aussi, on souhaite que la fibromyalgie bénéficie de la fiche référentielle que le guide de la prescription d'APA, édité par la Haute Autorité de Santé en 2022, avait prévu. Et on souhaite surtout que les médecins utilisent ce guide et ces fiches parce que, à notre connaissance, on constate qu'il y en a très peu qui connaissent ce process. Et surtout, ils ne se l'approprient pas du tout. Donc, si les médecins ne nous prescrivent pas, bah forcément, derrière, ça ne suit pas. Donc, on souhaite aussi une prise en charge financière pérenne pour l'activité physique parce que, comme le rapport de l'INSERM le préconise, l'APA est un traitement de première intention maintenant chez les malades fibromyalgiques. Et malgré les projets de prise en charge de sport sur ordonnance, actuellement, on supporte toujours pleinement les frais parce qu'il n'existe pas de fiche actuellement destinée aux médecins nous concernant. Et puis, l'activité physique adaptée est vraiment un soin, au même titre que les autres, pour nous, dans la prise en charge pluridisciplinaire de notre pathologie. Comme vous disiez tout à l'heure, effectivement, Marlène, il y a une grande quantité de malades fibromyalgiques qui sont sans emploi ou en inaptitude, qui se retrouvent avec des revenus à la baisse. Il leur est difficile de financer l'activité physique parce que nous avons aussi de nombreux soins et de nombreux médicaments qui ne sont pas pris en charge ni par l'assurance maladie et parfois que très, très partiellement par certaines mutuelles. Donc, par exemple, on doit consulter des ostéopathes, des microkinés, des hypnothérapeutes, des acupuncteurs, des diététiciennes, On doit prendre des oligo-éléments, des vitamines. De nombreuses personnes fibromyalgiques partent en cure. Tout ce qui est frais de logement et frais de transport, les prises en charge sont minimes, voire inexistantes. Donc, tous ces frais-là, nous les supportons intégralement. Alors certes, nous, les associations, on essaye d'aider grâce à nos généreux donateurs, dont une des représentantes est ici. Je salue le Vestiaire Saint-Vincent qui nous aide beaucoup tous les ans grâce à ses dons. Et c'est grâce à eux que nous pouvons financer, participer au moins au financement des activités de nos adhérents. Donc ça, c'est nos trois principales revendications, si je peux me permettre, en ce qui concerne l'activité physique adaptée. Alors, est-ce que vous avez un moyen de pression pour faire un moyen de pression, en tous les cas, un moyen de vous faire entendre et de pouvoir essayer de faire en sorte que ça avance, que la prise en charge soit effective? Bien, il y a certains députés qui ont commencé à travailler, dont une députée l'année dernière. Alors là, c'était plus pour la reconnaissance en infection longue durée de la fibromyalgie, qui n'est toujours pas, malgré la reconnaissance de la maladie, l'ALD n'existe pas lorsqu'on est fibromyalgique. Mais après, c'est un volet politique qui, nous, au niveau local, nous dépasse un peu, parce que, à part effectivement nous faire connaître comme aujourd'hui et dans les instances, auprès des hôpitaux, etc., dans les médias, nous, à notre niveau, au niveau local, on n'a pas trop les moyens d'agir à ce sujet-là. Après, on alerte, on explique, c'est vraiment de la communication, mais je vous dis, les décisions sont politiques et ça, c'est plus de notre ressort. Vous avez le mérite, en tous les cas, de mettre des choses en place. Et on est content à notre niveau, en tout cas, sur Radioactive, et puis aussi par votre présence aujourd'hui sur cette journée Sport, Santé, Bien-être, de pouvoir communiquer sur vos activités, vos actions en faveur de la prise en charge de cette maladie. Mais écoutez, merci beaucoup, Isabelle Roll, secrétaire de l'association, et Isabelle Jacquet, trésorière. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci de votre accueil et de votre ouverture sur la fibromyalgie.